disais, je vais partir où le vent m'emportera. Ailleurs ne peut être pire, viens, je t'emmène avec moi. À la porte d'Italie, on commence le voyage. Un camion et une nuit, et ce sont les lointains rivages. Nous ne sommes pas des manchots, on s'engagera sur des bateaux. On aura le monde entier si tu ne me laisses pas tomber. D'accord, on ne sait rien faire, mais à deux on peut tout faire. On arrive juste à point pour leur donner un coup de main. Des balayeurs au président, ils sont paumés les pauvres gens. On aura le monde entier si tu ne me laisses pas tomber. Ils disaient, tu vois ce ciel, c'est un bout de toile grise. Il y a moins de soleil que dans le cœur d'une église. Et puis le temps a passé, l'autre jour je l'ai croisé, le regard au ras du sol. Il avait raté son envol, la fille qui tenait son bras ne venait pas de Canberra. Les espoirs de nos aurores n'avaient pas dépassé Saint-Maur. Moi je vois tous les pays dans les yeux de mes amours, et ma voix s'en va la nuit, parfois plus loin que Singapour. Je veux chanter pour tous les gens, des balayeurs au président, pour tous ceux du monde entier. Si vous ne me laissez pas tomber, pour moi le ciel n'est pas gris.